Le stationnement à cheval sur un trottoir est parfois toléré. Il est alors clairement défini par un panneau ou un marquage chevauchant la rue et le trottoir. Rien de tout cela dans cette rue. À droite, aucun marquage particulier. À gauche, une bande cyclable matérialisée par une ligne continue infranchissable. Je ne peux stationner ni à droite, ni à gauche. Réponse B et D.